José María de Heredia a rassemblé dans un seul recueil, intitulé « Les Trophées » et publié en 1893, les quelques 120 sonnets qu'il avait fait d'abord paraître dans le Parnasse contemporain. Voici les 20 sonnets que j'ai choisis et enregistrés pour vous. L'oubli. Le temple est en ruine au haut du promontoire, et la mort a mêlé, dans ce fauve terrain, les déesses de marbre et les héros d'airain, dont l'herbe solitaire ensevelit la gloire. Seul, parfois, un bouvier, menant ses buffles boire, de sa conque où soupire un antique refrain, emplissant le ciel calme et l'horizon marin, sur l'azur infini, dresse sa forme noire. La terre maternelle et douce aux anciens dieux, fait à chaque printemps, vainement éloquente, au chapiteau brisé, verdir une autre acanthe. Mais l'homme indifférent, aux rêves des aïeux, écoute sans frémir, du fond des nids sereines, la mer qui se lamente, en pleurant les sirènes.